Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bernard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Ange Fillon. Vous êtes un homme de la grande distribution. Vous êtes un ancien de la Fnac, de Castorama, également de GoSport, mais vous êtes surtout depuis 2010 dans le groupe Virgin Megastore France, dont vous êtes aujourd'hui le PDG. Je rappelle quelques chiffres clés là. C'est donc 30 magasins en France, sans compter des franchises à l'étranger. Un chiffre d'affaires de 340 millions. Il y a quelques semaines, le 8 novembre, vous avez annoncé vous lancer dans la bataille du livre numérique. Vous êtes d'ailleurs venu avec deux liseuses de livres électroniques, à la fois le Knaus et Amazon, qui est un peu le produit star, notamment aux États-Unis, et avec une PME française. On voit qu'il y a une effervescence sur ce marché en France. Est-ce que les ventes sont là? Alors nous pensons que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que le marché explose. Explose. Et plus de 100 000 livres en français à télécharger. Liseuse Milouk, 69,90 €. En exclusivité chez Gaufret. Cerné de toutes parts, le livre est sommé de rentrer dans l'ordre numérique. Laboratoire du futur plus innovant que jamais, multinational du web, géant de l'électronique, pouvoir public et techno-enthousiaste œuvrent de concert pour faire disparaître ce petit cube de papier qui fait figure de fossile à l'heure où la culture numérique s'impose partout. Bien que sa liquidation ne fasse pas aussi vite que prévu, le marché de l'e-book peinant à s'imposer en France, les acteurs de la chaîne du livre sont de plus en plus fragilisés. Même si certains croient pouvoir transférer leur métier dans un monde qui n'a pourtant pas besoin d'eux. Et ce, alors que les modes de lecture induits par le livre, au fondement de nos façons de penser et de nos manières d'être au monde, sont aujourd'hui en crise. Le livre, dans sa linéarité et sa finitude, dans sa matérialité et sa présence, constitue un espace silencieux qui met en échec le culte de la vitesse. Permet de maintenir une cohérence au milieu du chaos, point d'ancrage, objet d'inscription pour une pensée critique et articulée, hors des réseaux et des flux incessants d'informations et de sollicitations. Il est peut-être l'un des derniers lieux de résistance. C'est ce que nous rappellent les libraires, bibliothécaires, éditeurs, auteurs, traducteurs et lecteurs, venus d'horizons divers qui s'expriment dans cet ouvrage. Un peuple du livre, réfractaire aux illusions numériques, qui défend ce pourquoi il se bat au quotidien, à contre-courant de processus qui endommagent nos capacités de lecture, de contemplation, de réflexion, d'écoute et d'abandon esthétique, pourtant si nécessaires à la construction de soi et au bien-être collectif. Petite introduction qui la quatrième de couverture de l'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions L'Échappée cette année en 2015. C'est la collection Frankenstein qui, c'est en général des recueils de textes. Et donc je vous propose aujourd'hui d'écouter une interview avec Patrick Marcolini qui est bibliothécaire à Paris et qui a participé à cet ouvrage. Marcolini qui va nous raconter un peu la genèse de cet ouvrage, les raisons qui ont amené les éditions L'Échappée à le publier et aussi son expérience en tant que bibliothécaire dans ce qui devient de plus en plus des médiathèques où la rationalisation de la gestion des bibliothèques, la numérisation des livres et aussi la promotion des nouvelles technologies transforment les bibliothèques en toute autre chose. C'est l'émission Offensive Sonore qui commence avec Patrick qui va nous parler du livre, du pavé qui est sorti dernièrement aux éditions Échappées dans la collection Frankenstein et qui s'appelle L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. Donc bonsoir Patrick. Bonsoir. Tu as toi-même coordonné le livre. Avec Cédric Biagini, oui. J'avais dit le pavé qui fait 400 pages. Oui, quasiment 400 pages, oui. Donc voilà, qui est un œuvre collectif qui rassemble, on peut dire brièvement, des éditeurs, des bibliothécaires, des libraires, toutes les personnes qui sont dans la chaîne du livre, aussi des lecteurs, c'est une partie importante. Ouais, auteurs, libraires, bibliothécaires, éditeurs. Il y a aussi des gens qui ont contribué à titre de correcteurs, graphistes, traducteurs, etc. On va quand même redire un peu dans quel but avait été fait cet ouvrage. Ouais. Tu veux que j'en dise deux mots? Voilà. Ouais. Donc, en fait, l'ouvrage s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions militantes qui avaient été faites dans les années 2000, 2008, 2009 jusqu'à 2011, 2012, qui avaient été entreprises par un collectif qui s'appelait Livre de Papier, qui est un collectif qui rassemblait déjà à l'époque plusieurs personnes qui étaient dans des métiers différents liés au livre, donc éditeurs, bibliothécaires, auteurs, etc. Et ce collectif avait pour fonction de contrer les avancées du numérique dans les métiers du livre. Pourquoi contrer les avancées du numérique? Tout simplement parce que la mise en place des technologies numériques, l'informatique, les réseaux sociaux, le livre numérique, etc., était conçue comme une manière pour les grands industriels du secteur du high-tech de reconfigurer entièrement tout un marché, toute une forme de production, toute une série de métiers et de professions pour en tirer le maximum de profit. Peut-être quand je parle de reconfigurer ces métiers-là, il s'agit même pour certains de les faire disparaître purement et simplement, puisque par exemple dans le livre numérique, la logique de la technologie veut que tous les intermédiaires entre l'auteur et le lecteur soient supprimés, c'est-à-dire le libraire, l'éditeur, et le maquettiste, le correcteur et ainsi de suite. Cette logique de suppression des intermédiaires est une logique aussi de déqualification, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans les technologies numérique n'ont plus les savoir-faire et n'ont plus la capacité de faire respecter les rapports de force qui s'appuient sur ces savoir-faire face à leurs employeurs. On constate sur le plan socio-économique que le numérique, on constate aujourd'hui encore, que le numérique rajoute un élément supplémentaire dans les mains de ceux qui ont le pouvoir économique contre ceux qui travaillent dans les métiers du livre. Et puis il y avait une autre dimension qui était présente aussi dans le collectif Livre de Papier et qu'on retrouve aussi dans ce livre, qui est la critique du numérique, cette fois-ci sur un plan plus culturel, c'est-à-dire en fait ce que l'informatique et les nouvelles technologies font à la culture. Comment elles créent de nouveaux rapports à la culture qui sont, selon nous, des rapports beaucoup plus pauvres, beaucoup plus appauvrissants, beaucoup plus dépendants de la technologie, c'est-à-dire d'un rapport froid, objectivé, calculateur, instrumental au monde et aux personnes qui peuplent ce monde. Et nous, ça nous semblait vraiment extrêmement problématique, dangereux, inquiétant de voir avancer ces technologies dans ce qui fait le cœur de ce qui constitue l'humanité, c'est-à-dire les manières de se cultiver. Ce soir, on va plus parler des bibliothèques. Oui. Combien de personnes ont écrit sur les bibliothèques? Le collectif Bartleby, ouais. Je ne savais pas comment prononcer, qui est un collectif de bibliothécaires. Il y a aussi d'autres auteurs. Et là, on voit dans le premier texte, Bibliothèque face au numérique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que simplement, on ne peut pas résumer à cet objet-là. Effectivement, c'est beaucoup plus large. Tout à l'heure, je disais que le livre était dans la continuité des actions militantes. En fait, pour nous, à un moment donné, dans le collectif Livre de Papier, on a ressenti un épuisement. C'est-à-dire qu'on était quand même très minoritaire dans ce qu'on défendait à l'intérieur de nos professions. On a ressenti donc un épuisement parce que les actions militantes trouvaient du public. On sentait bien qu'il y avait une réception favorable, mais ça restait encore très diffus. Et on a ressenti aussi le besoin de s'arrêter un petit moment, de pas être non plus dans la volonté de coller complètement à l'actualité du numérique qui évolue très très vite, et de prendre un peu de recul sur les évolutions qui étaient survenues sur les 5, 10, voire plus dernières années. Et donc le livre est né de ça, en fait, de cette volonté de prendre du recul. Et en prenant du recul, il s'agissait aussi d'associer des personnes qui n'étaient pas dans le collectif Livre de Papier. Donc j'insiste bien sur le fait que le livre n'est pas un livre du collectif Livre de Papier, même si plusieurs des personnes qui ont participé en faisaient partie. Alors justement, dans la partie bibliothèque, les contributeurs ne font pas partie du collectif Livre de Papier, puisque en fait dans les personnes qui ont apporté des textes, il y a Yves Desrichard qui est un conservateur de bibliothèque à Lyon, il y a Alberto Manguel que les auditeurs connaissent peut-être puisqu'il avait fait chez Actes Sud une très belle histoire de la lecture qu'on trouve en poche chez Babel Actes Sud. Alberto Manguel est un auteur de langue espagnole qui a écrit de très belles choses sur le livre, la lecture, etc. Donc il a rencontré aussi un certain succès par rapport à ça. Et là il s'agit d'un texte qui a été prononcé en conférence, mais qui nous a autorisé à reproduire et qui traite brièvement, mais quand même, de la question du numérique et qui surtout fait l'éloge du livre de papier. Puisque nous, il s'agit pas seulement de faire une critique, il s'agit aussi de montrer qu'est-ce qui motive cette critique. Et cette critique, c'est notre attachement, notre amour, hein, allons-y, on peut le dire comme ça, pour le livre de papier. Et puis le troisième texte qui est présent dans la partie sur les bibliothèques, c'est un texte écrit par le collectif Bartleby, auquel donc je participe. Collectif Bartleby qui rassemble des bibliothécaires qui sont dans des bibliothèques très différentes les unes des autres. Ce que les auditeurs ne savent pas forcément, c'est que les bibliothèques en France sont extrêmement variées et les métiers de bibliothécaires sont extrêmement variés aussi. C'est-à-dire que on va trouver des conservateurs qui ont surtout pour mission de s'occuper de la conservation, des acquisitions de livres, aussi malheureusement de plus en plus du management, c'est-à-dire faire des plannings, faire des choses très bureaucratiques. Et puis on va trouver des bibliothécaires qui eux sont dans des tâches plus de manutention. Donc il y a une forme de stratification qui par moment est quasiment une stratification de classe, hein. Il y a des formes de mépris aussi qui existent. Mais là, on a réussi à réunir des personnes assez différentes à l'intérieur de ce collectif, et puis différentes aussi parce que dans les bibliothèques, on a des bibliothèques de prêt, les bibliothèques municipales, mais il y a aussi les bibliothèques patrimoniales, les bibliothèques spécialisées, qui sont des bibliothèques qui ont pour vocation de conserver des ouvrages anciens, des ouvrages de recherche, des ouvrages de niveau universitaire. En fait, les personnes qui participent au collectif viennent de ces différents corps de métier à l'intérieur du métier de bibliothécaire, conservateur, bibliothécaire, magasinier, bibliothèque de prêt, bibliothèque spécialisée ou de patrimoniale. Dans les patrimoniales, on peut donner comme exemple notamment la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui est la plus grande bibliothèque en France. Donc voilà, alors il y a une dernière chose que je voudrais ajouter sur les participants au collectif Bartleby, c'est que ce sont des Parisiens, mais aussi des gens de banlieue, de la banlieue parisienne. Donc il y a ce double regard aussi qui est pour certains un regard très à l'ancienne, on va dire, le bibliothécaire qui est au milieu de ses collections papier et qui réfléchit à comment les communiquer aux chercheurs, etc. Donc à un public assez cultivé, pas forcément élitiste, mais cultivé, savant. Et puis d'autre part, les bibliothécaires qui travaillent en banlieue et qui là se coltinent avec les problèmes d'illettrisme, avec tous les problèmes sociaux qu'on trouve dans les banlieues et qui sont dus évidemment à la pauvreté imposée aux populations qui vivent en banlieue. Donc voilà, ça construit un regard qui est assez nourri de diverses expériences. Mmh. Et alors pour répondre peut-être à une question que tu as pas encore posé mais qui était un peu implicite dans ton introduction, pourquoi est-ce que ça s'appelle Bartleby? En fait, Bartleby, c'est le nom d'un personnage d'un écrivain de Herman Melville, celui qui a écrit Moby Dick. En fait, Herman Melville, dans un de ses romans, un de ses récits, parce que c'est une histoire assez courte, c'est une nouvelle, présente un personnage qui s'appelle Bartleby, qui est un copiste dans un bureau de notaire, dans mon souvenir, et à qui on demande donc de copier des papiers, de faire de la copie. Donc c'est un travail très très très aliénant, quoi. Et puis un jour, en fait, ce Bartleby se révolte, mais sa révolte à lui, elle va pas passer par, il va pas retourner la table, il va pas foutre le feu au papier ni rien. En fait, il dit juste une phrase qui est, alors qu'on lui demande de faire une tâche, il dit j'aimerais mieux pas. En fait, en anglais, c'est I would prefer not to, donc je préférerais ne pas. Et donc, en fait, c'est une forme de refus, c'est une forme de désertion, comme ça, très modeste, mais qu'on aimait bien, et donc on s'est dit, voilà, c'est peut-être ce qui nous définit le mieux. Ça ressemble un peu à l'histoire du collectif Oblomov. Oui, c'est vrai. Qui est un précédent collectif dont tu as fait partie, d'ailleurs. Ouais, qui était lié à un roman russe où une personne ne voulait pas se lever pour travailler, en fait. Ouais. Et là, plus pour la désertion de la science. Pour aller dans ce que tu disais par rapport aux bibliothèques en banlieue ou dans des... Pas des bibliothèques de recherche, en fait, pas des bibliothèques ni dédiées aux étudiants, ni aux chercheurs. Il y a des choses intéressantes qui ont été écrites en début du texte, justement, du collectif, où il est dit qu'en fait, à vouloir finalement des choses qui paraissent assez nobles, c'est-à-dire d'essayer de faire venir ces gens vers le livre, on finit par se noyer dans diverses activités qui n'ont plus rien à voir et en fait finalement à les faire venir en bibliothèque mais sans pour autant les faire venir au livre. Ce qu'il faut comprendre pour pour bien voir la situation des bibliothèques à l'heure actuelle, c'est que les bibliothèques ont été sommées à partir des années 90 de s'adapter au monde numérique, c'est-à-dire s'adapter à l'informatique, l'arrivée des nouvelles technologies. Et donc on a dit aux bibliothécaires, regardez, toutes ces nouvelles technologies arrivent, et en fait elles fournissent ce que vous fournissiez déjà au public, elles le fournissent en 10 fois mieux. Elles donnent plus d'informations, plus de divertissement, de manière beaucoup plus rapide, sans sortir de chez soi. Donc concrètement, les bibliothèques vont mourir si vous ne faites rien. Donc c'est le discours qui a été tenu aux bibliothécaires à partir du milieu des années 80 et surtout qui s'est vraiment imposé dans les années 90. Et face à ça, du coup, les bibliothèques ont essayé d'inventer une solution, une alternative, qui était de dire, pour attirer le public à nous, ce public qui va rester chez lui avec ses ordinateurs, etc., pour l'attirer à nous, en fait, on va lui fournir autre chose. Et ce qu'on va lui fournir, c'est de l'animation. C'est-à-dire on va essayer de le ramener au livre en construisant autour du livre tout un ensemble d'animations, d'activités festives, de divertissement, de culture aussi, que les bibliothécaires vont avoir pour tâche de construire à l'intérieur des bibliothèques. Alors le nom qui a été donné à cette doctrine qui est apparue dans les années 80-90, d'abord aux États-Unis puis en France, c'est la bibliothèque comme troisième lieu. En fait, pourquoi troisième lieu ? Parce qu'en fait, ça fait référence à une théorie d'un sociologue de l'époque qui s'appelle Ray Oldenburg. En fait, il a expliqué que dans la vie quotidienne de la plupart des gens, en fait, il y a deux lieux. Cette vie quotidienne se déroule entre deux lieux qui sont le lieu de travail et le lieu de loisir, le lieu, en fait, la sphère familiale. Et en fait, il dit, dans la vie sociale, il existe un troisième type de lieu où les gens se rendent fréquemment, mais qui jusqu'ici n'a pas été très analysé, qui est, au choix, la place du village, le café, le bar, etc. C'est un endroit où les gens se retrouvent pour discuter, pour échanger, pour les loisirs. Enfin, voilà, c'est une sphère qui n'est pas réductible à celle de la famille, puisqu'on n'est pas sous le regard du conjoint, des enfants, etc. Et qui n'est évidemment pas le lieu du travail. Et donc, en fait, Les bibliothécaires de cette époque-là, des années 80-90, se sont emparés de la théorie de Ray Oldenburg pour dire on va faire des bibliothèques des troisième lieux. En fait, c'est ça notre vocation, c'est de faire des endroits où les gens puissent se rencontrer, discuter, se cultiver par les échanges entre générations, entre métiers, voilà. Et donc les bibliothécaires dans ce cadre-là, si la bibliothèque devient un troisième lieu, deviennent des animateurs culturels. Ce sont des gens qui ont pour mission de créer une ambiance, une atmosphère qui donne envie aux gens de venir et qui va essayer de les ramener au livre parce qu'ils s'en sont éloignés ou risquent de s'éloigner du livre. Mmh. Voilà, donc c'est ça en fait qui s'est mis en place à partir des années 90. Ça va avec tout ce qui est le Wi-Fi dans les bibliothèques, les espaces où il y a des internet en libre service, tout ce qu'on voit actuellement dans les médiathèques qui sont plus appelées bibliothèques aussi. Ouais. Et ça, c'est les années 90 jusqu'à nos jours où c'est vraiment la transformation s'est fait encore avant ou. En fait, ça s'est passé en plusieurs temps, c'est-à-dire que au départ, il s'agissait de faire un lieu de divertissement et de lien social. Mmh. On a fait des séances de projection de films, des débats autour de livres, des cercles de lecteurs. Il s'agissait vraiment d'innover dans tous les sens pour faire en sorte que la culture du livre soit plus perçue comme quelque chose de savant et d'élitiste, mais soit quelque chose de directement accessible et voire de divertissant. Donc on a fait aussi rentrer, on a aussi modifié le contenu des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on n'en a pas seulement fait des espaces de rencontre, mais on a fait rentrer dans les collections des choses qui n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc on a fait rentrer la musique, la vidéo, les jeux vidéo, et puis progressivement, actuellement, ce qui est en cours, c'est par exemple faire rentrer des choses comme les imprimantes 3D, faire des bibliothèques des Fab Labs, enfin des endroits où les gens peuvent en fait fabriquer des objets. Enfin, il y a cette idée d'un endroit où en fait c'est plus seulement un échange des savoirs, c'est même carrément des savoirs qui vont vers une fabrication. Dans tout ça, évidemment, on voit que de plus en plus on s'éloigne du livre, hein, évidemment. Mmh. Et alors dans cet éloignement du livre, il y a un autre paradoxe, c'est que cette bibliothèque troisième lieu était conçue comme une réponse aux nouvelles technologies, mais du coup elle les intègre complètement. C'est-à-dire qu'on voit les jeux vidéo arriver, on voit les ordinateurs arriver, puisqu'on crée aussi des salles informatiques, on installe le Wi-Fi, et progressivement, en fait, comme la bibliothèque s'est éloignée de sa fonction qui est d'être le réceptacle du livre et l'accueil du lecteur autour du livre, en fait ce qui s'est passé c'est que les gens qui viennent aujourd'hui en bibliothèque viennent de moins en moins pour les livres. Et c'est ça le vrai paradoxe. Et en fait, ils viennent de plus en plus pour avoir un espace de travail. En général, c'est aussi beaucoup pour des raisons socio-économiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants ou les lycéens n'ont pas envie de travailler chez leurs parents. Donc, ils ont envie de travailler dans un lieu extérieur où ils peuvent être avec leurs amis. Dans les cafés, ça coûte cher. Dans les bibliothèques, c'est gratuit. Donc, on va aller dans les bibliothèques pour ça. Certains adultes vont faire la même chose pour avoir disposer d'une connexion Wi-Fi et travailler sur place. Bon, enfin, chaque catégorie de la population a un peu sa motivation pour aller en bibliothèque, mais dans toutes ces motivations, paradoxalement, c'est jamais le livre en fait qui fait se déplacer les gens, parce que les gens soit lisent beaucoup moins, soit ont accès aux livres par internet, soit utilisent le livre numérique. Enfin voilà, il y a tout un tas de d'évitement du livre qui se sont mis en place grâce aux nouvelles technologies, et donc en fait les bibliothèques ont progressivement se sont vidées de leur substance, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et en fait on est dans une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire que dans le métier des bibliothécaires il y a pas du tout l'idée d'un retour au livre. Paradoxalement, c'est au contraire, puisque les gens ne viennent plus pour le livre mais qu'il faut qu'on survive, on va aller encore plus loin dans l'idée de créer des espaces de travail confortables, larges, aérés, lumineux, avec des connexions Wi-Fi. Et donc on en arrive à la situation actuelle. Ce qui paraît aberrant, c'est qu'avant les années 80, on va dire, on se posait pas la question de la rentabilité d'une bibliothèque. C'était un service public, l'accès à la connaissance. Et maintenant, il y aurait une concurrence avec Internet, donc il faudrait être rentable. Oui, il y a une vraie forme de concurrence avec Internet, et d'ailleurs, du coup, se sont mis en place tout un tas d'outils de mesure de la concurrence et de la rentabilité des bibliothèques. C'est-à-dire, par exemple, on va, pour voir si une bibliothèque fonctionne bien, on va voir quel est le taux d'emprunt de livres, quel est le nombre d'accès par jour, quel est le nombre de connexions Wi-Fi. Voilà, en fait, on va disposer de tout un tas d'outils statistiques, et en fait, ça va être des outils qui permettent aux élus, par exemple pour les bibliothèques municipales, de décider si telle ou telle bibliothèque vaut le coup d'être maintenue ou non. C'est comme ça qu'à Paris, sur les dernières années, il y a 3 bibliothèques qui ont été fermées parce qu'on estimait qu'elles étaient trop petites, qu'elles étaient trop inscrites dans leur quartier, elles n'avaient pas une vocation métropolitaine, et que les gens ne s'y connectaient pas assez à Internet, ce qui est un vrai paradoxe quand même. On ferme une bibliothèque parce que les gens ne s'y connectent pas assez à Internet. Et dans les bibliothèques, les nouvelles bibliothèques qui ouvrent, la tendance c'est quoi? C'est de réduire les collections de livres. Quand on regarde les 3 bibliothèques qui ont été ouvertes en parallèle de ces 3 fermetures sur les dernières années, c'est des bibliothèques dans lesquelles les collections de livres sont moitié moindres que ce qu'il y avait dans les bibliothèques à l'ancienne. Donc on voit bien qu'il y a une réduction des collections de documents, et en même temps il y a la tendance à faire cette bibliothèque du troisième millénaire qui est, en fait, si je veux être méchant, c'est un hangar avec connexion Wi-Fi. C'est-à-dire on vient, on se pose, on allume son ordi, on se connecte, et le livre là-dedans a disparu. Et le bibliothécaire est pas loin de disparaître non plus, puisqu'en fait, il devient une sorte juste de technicien qui est là pour assurer l'accueil, voir si les connexions fonctionnent bien, etc. Il y a aussi, à un moment donné, je sais pas si ça se fait toujours, les bibliothécaires étaient devenus les promoteurs des nouveaux outils, des liseuses, etc. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a encore poussé des industriels là-dessus? Bien sûr, mais c'est que une manière de se tirer une balle dans le pied, en permanence. C'est-à-dire que, effectivement, depuis la fin des années 2000 et depuis le début des années 2010 encore plus, il y a une mise en place du livre numérique qui est soutenue activement par les bibliothèques. Il faut savoir que, je crois que c'est la moitié des ventes de livres numériques en France qui sont assurées par les bibliothèques. Donc, c'est les bibliothèques qui, paradoxalement, soutiennent, porte vraiment à bout de bras le livre numérique, alors que ce livre numérique est justement ce qui va permettre aux gens de se passer des bibliothèques, puisque en fait les gens pourront les acheter ou les emprunter à distance sans passer par le lieu physique bibliothèque. C'est même le principe même de l'e-book, c'est de se passer des intermédiaires. Et en fait ça va plus loin que le livre numérique, parce que on observe dans pas mal de bibliothèques des nouveaux bibliothécaires, les bibliothécaires 3.0 ou les geeks, enfin je sais pas comment les appeler, mais qui sont vraiment des fanatiques des nouvelles technologies et qui, eux, vont mettre en place ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des imprimantes 3D, des animations liées à la fabrication de t-shirts, enfin tout un tas d'activités qui sont absolument plus liées au livre, mais qui se développent dans tous les sens dans les bibliothèques actuelles. Pour citer un exemple sur la ville de Paris, là vient de s'achever récemment un festival qui s'appelait le festival NUMOC, festival du numérique en bibliothèque, et qui contenait tout un tas d'activités activité qui n'avait plus aucun rapport avec le livre. C'est-à-dire la bibliothèque était devenue une sorte de centre culturel un peu alternatif, bourré de high-tech. Un petit peu de musique. Yeah! What's up, y'all? This your boy D-Mike. See, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin et on entend actuellement une interview de Patrick Marcolini des éditions L'Échappée qui voilà, nous parle de l'ouvrage collectif qui a été réalisé qui s'appelle L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. C'est paru aux éditions L'Échappée donc en 2015. Tout de suite on continue avec Patrick Marcolini après cette pause musicale. Et jusque encore une petite demi-heure. On va continuer sur les bibliothèques. On a parlé de la numérisation externe, donc avec tout ce qui est voilà borne Wi-Fi, informatique visible, promotion de l'e-book. Comme tous les métiers, on va dire, hein, le numérique a fait son travail aussi en interne. Ça veut dire que est-ce que finalement les bibliothécaires sont pas comme tout le monde des informaticiens maintenant? Bah ouais, ouais. En fait, quand on, si on veut faire un petit exposé de la journée d'un bibliothécaire modèle, en fait, ça consiste. Enfin, ça tourne quasiment entièrement autour de l'ordinateur. On arrive le matin, on allume son ordinateur pour voir les mails. Ensuite, on va ouvrir le catalogue informatique qui va nous permettre de cataloguer les bouquins, de éventuellement d'enrichir les notices qui se réfèrent au livre, qui va permettre de suivre les commandes, qui va permettre aussi de régler les factures et ainsi de suite. Donc tout ça se fait sur l'ordinateur. Ensuite, on va faire un peu de service public, c'est-à-dire qu'on va se mettre en salle et puis on va renseigner les lecteurs. Mais pour renseigner les lecteurs, bah, qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur l'ordinateur, sur le catalogue informatique. Mmh. Et puis ensuite, on va rentrer, on va peut-être faire une pause déjeuner, on revient. Et puis là, bah, on prend un peu à bras le corps tous les problèmes qu'on était en train de gérer, toutes les affaires qui étaient à gérer. Donc là, par exemple, ça va être la numérisation d'une partie des collections. Parce qu'en fait, les bibliothèques ont commencé à donner les livres qu'elles ont dans leur fonds à des sociétés qui les numérisent pour faire des livres numériques qui pourront être après mis à communication des lecteurs sur le site internet de la bibliothèque. Donc on se retrouve à nouveau devant un ordinateur. Et puis et ainsi de suite en fait, c'est-à-dire que la plupart des activités qui sont liées au monde des bibliothèques aujourd'hui tournent autour de l'ordinateur, de l'informatique et des réseaux sociaux. Mmh. Effectivement, le bibliothécaire est contraint de devenir un informaticien. Avant, on se rappelle des petites fiches qui sont les index où il y avait les mots-clés, etc. Ouais. Il y a aussi tout ça a changé. Il y a eu informatisation des tous les livres ont des codes-barres, tous ces les cartes, voilà, des cartes RFID, des choses comme ça. Il y a aussi à la BnF des robots qui viennent prendre les bouquins à la place des bibliothécaires. C'est des choses qui arrivent de plus en plus aussi dans ces métiers-là. Ouais. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à chaque fois que ces technologies se mettent en place, soit c'est des métiers qui sont supprimés, soit c'est des activités professionnelles qui sont extrêmement appauvries. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est des robots qui vont aller chercher les bouquins dans les magasins, comme ça se passe à la BnF et maintenant dans les plus grandes bibliothèques à travers le monde. Évidemment, c'est le métier de magasinier qui est supprimé. Alors, on va dire oui, mais le métier de magasinier, c'est aliénant, c'est un métier physique, parfois c'est un peu, il faut porter des cartons, etc. Alors, déjà, premièrement, il faut pas mythifier le truc, le métier de magasinier, c'est pas non plus aussi épuisant que ça. Et deuxièmement, ça permet aussi à certaines catégories de la population qui sont dans des situations où elles pourraient pas être employées dans le privé, en fait, elles seraient jetées par le privé, tout simplement. Ça leur permet de trouver un endroit où elles ont une reconnaissance de la part des gens, où elles entretiennent un lien social, où elles ont aussi un salaire. Enfin voilà, ça permet aussi à certaines catégories de population, je pense à des gens qui ont des problèmes mentaux, des choses comme ça leur permet de trouver une inscription dans la société. Pas du tout dans la douleur, enfin je veux dire dans le respect par rapport aux collègues, etc. Donc ça c'est un ensemble de tâches qui sont supprimées. Et puis après, il y a d'autres tâches qui sont extrêmement appauvries. Et donc par exemple, pour reprendre un des exemples que tu cites, quand on met un automate de pré-retour, c'est-à-dire en fait une machine qui permet au lecteur de rendre le livre ou de l'emprunter de façon automatique uniquement en présentant sa carte. En fait, le bibliothécaire, effectivement, il fait plus les opérations de pré-retour qu'on décrit aussi comme particulièrement pénibles. C'est-à-dire qu'on se tape des fils de lecteurs qui défilent et puis il faut juste faire des bips sous un code barre. Bah, effectivement, le bibliothécaire ne fait plus ça. Le problème, c'est qu'un automate, ça tombe en panne, que c'est une machine, donc ça réagit pas à l'humain. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont complètement perdus face à ces machines-là, qu'il faut aussi voir à mettre à jour les logiciels, etc. Et donc, en fait, le métier de bibliothécaire, dont on décrivait, à mon avis, à tort, la pénibilité par rapport aux opérations de pré-retour, se retrouve à être un métier de technicien réparateur qui passe son temps à bidouiller dans les machines quand elles sont en panne, à faire les mises à jour, etc. et à se coltiner les usagers qui là cette fois-ci sont pas du tout sympathiques mais sont plutôt en colère parce que justement l'appareil est en panne et que les fils qu'on avait voulu éviter se reconstituent devant les machines. Donc en fait il y a une forme de... Il y a le personnel tout simplement qui s'est réduit, donc forcément oui, dès qu'il y a un problème ça devient deux personnes à gérer. Évidemment, parce que il y a un autre truc dont on n'a pas parlé jusqu'à présent mais qui est important à dire aussi, c'est que l'arrivée des nouvelles technologies dans les bibliothèques comme dans la plupart des autres activités professionnelles en fait est vraiment solidaire de la mise en place des modèles de management, de gestion de la force de travail qui sont des modèles néolibéraux. C'est-à-dire que les nouvelles technologies ont permis de réduire le personnel, de flexibiliser les emplois du temps, d'amoindrir, enfin de fragiliser la position du salarié par rapport à son employeur, parce qu'il a beaucoup moins de maîtrise de son outil de travail. Donc en fait, les nouvelles technologies ont été complètement solidaires de la mise en place du néolibéralisme dans la fonction publique, mais ça marche aussi dans le privé. Hein. En tout cas, dans les bibliothèques, c'est quelque chose qui n'a pas été assez aperçu. C'est-à-dire que, par exemple, les bibliothécaires avant faisaient leur propre catalogue. C'est-à-dire que c'est ce que tu racontais tout à l'heure. En fait, quand ils avaient des livres, ils tapaient à la machine des fiches cartonnées qui étaient ensuite rangées dans des registres ou dans des boîtiers, et ça donnait ces meubles qu'on retrouve parfois dans certaines bibliothèques mais ils sont quasiment plus utilisés, qui étaient constitués de petits tiroirs qu'on tirait et dans lesquels on retrouvait les fiches par mots-clés, classées par nom de l'auteur, etc. Et ça permettait de retrouver un livre. Tout ça, c'était fait par les bibliothèques. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les bibliothécaires ne font plus vraiment leur catalogue. C'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui fournissent toutes les données sur le livre, qui sont des données informatiques, qui après sont transmises aux diffuseurs, distributeurs et aux sociétés qui permettent aux bibliothèques d'acheter les livres. Ensuite, les bibliothèques importent les notices avec les données sur les livres dans leur catalogue informatisé. Mmh. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que le catalogue informatisé, c'est pas un logiciel qui a été développé par l'État ou par les bibliothécaires eux-mêmes. C'est un logiciel qui a été fait par une entreprise privée, elle aussi. Et donc, du coup, en fait, le bibliothécaire se retrouve dépendant d'une multitude d'entreprises privées. Là où auparavant, la seule entreprise privée qu'il avait face à lui, et encore, c'était celle qui fournissait le papier cartonné et les machines à écrire. Là, au contraire, maintenant, c'est toute l'infrastructure technologique de la bibliothèque qui est dépendante du privé. Et ça, on peut le constater très quotidiennement. Quand on voit une panne du catalogue en bibliothèque, aujourd'hui les bibliothécaires sont complètement démunis, c'est-à-dire qu'un fichier papier ça tombe jamais en panne, un catalogue informatique ça tombe en panne environ une à deux fois par semaine. Et pour ceux qui fonctionnent pas trop mal, mais par exemple à la ville de Paris, puisque on parlait de la ville de Paris, à la ville de Paris les catalogues de bibliothèques tombent en panne parfois 5 à 6 fois par semaine. Et à chaque fois, les services informatiques dépensent une activité énorme à faire les réparations, à demander les mises à jour, etc. Mais on voit bien dans toutes ces situations où se situe la dépendance concrète de gens qui sont au service du public, et ben elle se situe dans une dépendance par rapport au privé. Et donc il y a eu une inversion complète du métier, des objectifs, des finalités et des moyens des bibliothèques par rapport à ça. Et donc les métiers qui ont disparu ces dernières années, c'est magasinier ou il y en a d'autres qui... Non, en fait, c'est les métiers sont en train de disparaître. Donc on peut pas dire qu'il y a des métiers qui ont disparu. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a un an et demi qui a fait pas mal de bruit à l'époque, en fait, par des universitaires britanniques qui essayaient de montrer quelles étaient les activités en général, pas seulement dans les mondes des bibliothèques, mais quelles étaient les activités qui allaient être progressivement remplacées par l'arrivée des nouvelles technologies, la robotisation, l'automatisation, etc. Et en fait, dans le monde des bibliothèques, c'était un taux de plus de 60% de suppression d'emplois suite à l'automatisation qui était envisagée, donc sur une période de 15-20 ans. Et cette proportion montait à 99% pour les magasiniers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était envisagé dans cette étude, c'était la suppression pure et simple du métier de magasinier en bibliothèque par suite de l'automatisation. Alors après, bon, faut se méfier des effets d'annonce, c'est-à-dire que moi, personnellement, je vois mal comment on pourrait se passer complètement d'un traitement manuel des ouvrages dans une bibliothèque patrimoniale, puisque en fait, on peut imaginer des bibliothèques dans lesquelles il y aurait plus de livres, hein, c'est ce qui est en train de se faire aussi un peu partout, mais bon. Mais dans les bibliothèques où il reste des livres, parce qu'il restera des livres, je vois mal comment on pourrait se passer complètement de magasinier. Il n'empêche que là, on peut imaginer qu'une forte proportion des emplois en bibliothèque soient supprimés du fait de l'informatisation, l'automatisation, la robotisation. Si on compare le disque et le livre, c'est comme si les gens se mettaient à lire un chapitre d'un bouquin sans s'intéresser à l'œuvre complète, ou voir une phrase et puis collectionner les petites phrases de leur côté. Et il y a quelque chose qui me semble évident dans la progression de la musique en comparant avec l'e-book, c'est qu'on se demande si finalement la prochaine étape, on va pas nous vendre un e-book, mais une bibliothèque en disant vous aurez accès à tous les livres grâce à cet e-book. Et est-ce qu'il y a donc dans la numérisation du catalogue cette volonté-là, c'est de faire finalement de réduire une bibliothèque à un e-book pouvant se connecter voilà à l'entièreté d'un catalogue. En fait, je pense que c'est ce vers quoi on va aller. C'est-à-dire que en fait, le processus que tu décris, il existe déjà dans les bibliothèques, non pas sur les livres, mais sur ce qu'on appelle les périodiques, c'est-à-dire les revues, les magazines, etc. Et ça a commencé en particulier dans le monde universitaire sur les revues scientifiques. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, les revues scientifiques ont disparu dans leur format papier. Aujourd'hui, il y en a que très peu qui continuent à exister sur papier, en sciences dures comme en sciences sociales. Et en fait, ces revues se sont transférées complètement sur Internet avec un format numérique, où elles ont essayé de maintenir la forme revue, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des articles, on a toujours des numéros spéciaux qui sortent à des dates régulières, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que les gens peuvent acheter les articles à l'unité, donc les extraire complètement de la revue, ce qui ne pouvait pas se faire auparavant. Et en fait, la question qui se pose, c'est mais comment ça s'est transféré sur le numérique ? Ben en fait, c'est simple, c'est qu'il y a des éditeurs numériques qui sont mis en place, qui diffusent toutes ces revues. Donc ça, en fait, ce sont des gigantesques plateformes numériques qui, en général, sont une des plus grandes, c'est Springer. Hein. Springer, c'est un éditeur allemand qui est un des plus gros éditeurs de papier. Qui est bien connu pour être bien à droite aussi. Oui, voilà, qui a notamment mené dans les années 70 des campagnes de presse assez virulentes contre l'extrême gauche en Allemagne. Bon voilà, et aujourd'hui, Springer continue d'être un géant de l'édition, et notamment un géant de l'édition numérique. Par quelle manière? Ben, en fait, tout simplement parce que il vend énormément d'articles scientifiques à travers ces plateformes numériques. Mais alors comment est-ce qu'il fait en fait? Il vend pas seulement les articles à l'unité, ça c'est pour les particuliers. Pour les bibliothèques, en fait, il vend ce qu'on appelle des bouquets. C'est-à-dire qu'il dit écoutez, c'est pas intéressant pour vous d'accéder à telle et telle et telle revue. Moi, ce que je vous fournis, c'est un pack. C'est un peu comme pour le Canal Plus ou les trucs comme ça. Je vous fournis un pack. Vous avez dans ce pack 70 revues scientifiques. Vous avez accès à toutes uniquement avec un forfait premium ou un truc comme ça. Mmh. Et pour vous, c'est plus intéressant économiquement. En fait, c'est faux. Parce que les prix sont prohibitifs. Ils les vendent à des prix différents à chaque université en fonction de sa taille, du nombre de consultations, etc. Donc en fait, ils modulent les prix de manière à ce que ça soit eux qui engrangent le maximum de profit. Mmh. Les bibliothèques commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que les bibliothèques canadiennes, par exemple, l'université de Montréal au Canada, a décidé d'arrêter purement et simplement tous ses abonnements à des revues scientifiques à travers ces plateformes-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les universités étaient saignées vraiment par les éditeurs numériques. Mais ça, c'est ce qui a commencé à se mettre en place avec les périodiques, avec les revues, etc. Mmh. Moi, je pense que, et d'ailleurs Amazon a commencé à le développer sur un plan plus commercial et pas pour les bibliothèques, mais pour les particuliers, je pense que ce qui va arriver, c'est des offres de même type, c'est-à-dire des bouquets, où en fait on paye un forfait et en échange de ce forfait, on a accès à tout le catalogue d'un éditeur numérique, d'un éditeur en ligne. Les bibliothèques on pourrait très bien imaginer que les bibliothèques soient soumises à des offres de ce type-là. Mais alors, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que, premièrement, on a accès à tout un tas de choses qu'on ne veut pas, dont on n'a pas besoin. Donc il y a une forme d'encombrement et de... Il y avait une expression que je trouvais amusante qui était celle d'obésité informationnelle. Mmh. Ben, c'est un peu ça, en fait. Ça génère aussi beaucoup d'inutilité. Enfin, voilà, c'est une forme de surconsommation de l'information. Et puis il y a une autre chose, c'est que c'est aussi... Et ça, on arrive sur une critique plus culturelle du numérique. Le numérique permet aussi, force les œuvres à éclater. Le numérique exerce un effet de dissolution sur les œuvres. C'est-à-dire, auparavant, on avait un roman ou un essai qui était une totalité achevée, complètement architecturée avec une logique interne, une cohésion interne. Tous les chapitres se répondaient les uns aux autres. Il y avait une forme de linéarité de la lecture qu'on pouvait transgresser en sautant un chapitre, évidemment, mais y avait quand même cette idée de totalité organique. L'essai, le roman, ça forme une œuvre. Mmh. Et le numérique permet, par exemple, par les recherches plein texte, ou bien si c'est l'achat d'un chapitre d'un livre seulement et pas le livre en entier, le numérique fait exploser l'œuvre. En fait, il produit un éclatement du support qu'était l'œuvre au sens traditionnel du terme. Et donc, ça crée aussi de nouvelles formes de lecture qui sont des formes de lecture que nous, on juge vraiment appauvrissantes. C'est-à-dire que c'est une lecture qui procède plus qu'en diagonale, de manière complètement superficielle. En fait, on lit... Okay. C'est surfer au sens strict du terme, quoi. Je pense à certains éditorialistes qui font dire l'inverse de ce que dit les textes en prenant une phrase choisie. Ouais. Et oui, et aussi pas mal de travaux universitaires qui lient les arguments avec des références. Après, souvent, quand on a lu l'ouvrage, on se dit mais non, ils font exactement l'inverse, mais il faut avoir lu jusqu'au bout. Là, ce qui est en train de se passer, c'est une décomposition de la lecture elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne lisent plus, ils font plus que du repérage. Ils essaient de repérer dans un texte la phrase, le mot, la citation, le passage qui va pouvoir leur servir pour faire autre chose. Et là, on est un peu dans le phénomène Internet, c'est que sur Internet, on a la confirmation de ce qu'on sait déjà. Oui. On n'a pas de nouvelles connaissances, mais juste. Oui, parce qu'en fait, cette forme de lecture qui est, en fait, c'est comme la barre cherchée dans Google, ou quand on fait une recherche plein texte. En fait, on cherche uniquement ce qui nous intéresse, ce qu'on connaît déjà. Mmh. En revanche, ce à quoi nous ouvrait le livre comme œuvre, c'était un mouvement particulier de la pensée qui faisait qu'on s'ouvrait à quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on tombait sur des choses inattendues, qu'on avait des aperçus et des points de vue complètement différents des nôtres, qu'on était obligé de s'assimiler avant de pouvoir continuer la lecture. Là, la lecture est complètement interrompue, c'est une lecture sautillante, c'est une lecture complètement superficielle qui passe par-dessus l'ensemble du texte uniquement pour trouver les choses qui vont nous intéresser, qui concordent déjà avec ce qu'on savait, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on veut démontrer. Et c'est cette forme de lecture-là qui est en train de se développer. Et en fait, elle a commencé à se développer dans les périodiques numériques, avec les revues et les magazines en ligne fournis par les grands éditeurs, les plateformes. Elle va demain se développer à partir de toutes les œuvres. C'est en fait, c'est ça le vrai risque. C'est-à-dire qu'à travers un texte qui est complètement numérisé, il y a fort à craindre que les gens vont sauter les chapitres, lire de manière partielle, faire des recherches plein texte, etc., etc. Pour lutter contre la numérisation des bibliothèques, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce que vous, donc on dit voilà, le livre, c'était aussi parce que le collectif Livre de papier était à bout de souffle, mais est-ce que malgré tout il y a des choses qui se mettent en place pour conserver ces bibliothèques? À l'heure actuelle, je dirais que la principale force de résistance dans les bibliothèques, c'est une force extrêmement traditionnelle, mais qui est puissante, c'est les syndicats. Les syndicats n'ont pas forcément une vision très claire de ce que font les nouvelles technologies dans les bibliothèques. En revanche, ils voient très bien que les conséquences concrètes sont des conséquences en termes de réduction des effectifs, de fatigue des travailleurs, etc. Donc en fait, pour l'instant, les syndicats, c'est la principale ligne de résistance en bibliothèque. Nous, à Livre de papier, notre travail a été aussi d'aller voir la base des syndicats, les gens qui travaillent sur le terrain, pour leur dire attention, c'est pas juste une question de libéralisme ou de néolibéralisme ou etc. De danger de privatisation, de nouvelle gestion managériale et tout ça. C'est aussi une question de technologie. C'est-à-dire que le néolibéralisme, il avance pas que sur le plan économique, il avance aussi sur le plan technique, sur le plan des pratiques. On espère que le livre va trouver un écho du côté des syndicats, mais on peut être relativement confiant, c'est-à-dire que on voit bien quand on évoque ces questions dans les milieux professionnels, que ce soit l'édition, la librairie, les bibliothèques, on voit bien que les gens éprouvent un véritable malaise par rapport à leur activité qui est en train de perdre de son sens, qui devient de plus en plus absurde, où il y a un éclatement des compétences, ça aussi on en parle pas mal dans notre article. Les gens se sentent globalement perdus, c'est-à-dire qu'un bibliothécaire sans livre et sans bibliothèque, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est juste un animateur culturel? Mais alors un animateur culturel, on n'avait pas passé le concours de bibliothèque pour faire ça. Voilà, donc il y a un véritable malaise, et il est forcé que ce malaise à un moment donné se cristallise dans des attitudes de protestation. On le voit par endroits, ça se manifeste. À Grenoble notamment, il y a des bibliothécaires qui avaient écrit des textes assez intéressants dans la revue locale qui s'appelait Le Postillon. On le voit sur la région parisienne aussi, où il arrive fréquemment, en discutant avec des collègues, qu'on voit une résistance. Pour l'instant, ce sont des résistances éparses que je peux pas qualifier de passives, parce que je pense que les gens font réellement des choses, ils discutent autour d'eux, mais il manque encore la force du collectif. Et cette force du collectif, elle peut passer par les syndicats, elle peut passer en dehors, mais il va falloir qu'à un moment donné, les gens se saisissent de cette question des nouvelles technologies en bibliothèque et la posent de manière politique, pas uniquement sur le mode du ça marche pas, c'est efficace, c'est pas efficace, mais sur qu'est-ce que ces technologies font à nos conditions de vie et de travail, qu'est-ce que ces nouvelles technologies font à la culture. Voilà. Vous écoutez Radio Zinzine et on vient d'entendre Patrick Marcolini, qui est bibliothécaire à Paris et qui a participé à l'ouvrage collectif L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde, qui est paru aux éditions L'Échappée en 2015. Patrick Marcolini parlait du collectif Livre de papier. Ce collectif, il y a quelques années, avait édité une grande feuille qui s'appelle Livre de papier, journal des réfractaires à l'ordre numérique. Et voilà, une grande feuille parce que c'est 12 pages en format A3. Et j'en ai encore quelques exemplaires, donc si vous en voulez, vous pouvez toujours nous en demander à Radio Zinzine. C'était, à l'époque, c'était gratuit, on peut encore le faire gratuit aujourd'hui aussi. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Dans ce grand journal, il y a un petit argumentaire, et celui qui est le plus intéressant, enfin qui me parle le plus, parce que voilà, la critique du numérique, des nouvelles technologies, etc., on se fait toujours accuser de technophobe, l'argument mesquin, c'est le Livre de papier qui nous le présente comme ça. Vous êtes technophobe, vous avez peur des nouvelles technologies parce que vous n'y comprenez rien. Voilà la réponse que fait le Livre de papier. En réalité, nous contestons précisément le numérique à partir d'une position résolument technophile, puisque nous revendiquons l'arrêt des processus de numérisation en cours au nom des savoir-faire propres à la chaîne du livre mise en péril et vouée à être dégradée puis absorbée par les machines, c'est-à-dire au nom de la technique dont nous sommes dépositaires. Voilà, il y a tout un argumentaire comme ça très détaillé. Vous pouvez le retrouver donc dans cet ouvrage paru aux éditions L'Échappée, L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. Je remercie au passage Radio Libertaire Pierre qui a mis en ligne son émission Offensive Sonore sur le site de la bibliothèque associative de Malakoff. C'est une bibliothèque qui est tenue par un certain nombre de libertaires et qui, sur son site, met en ligne ce type d'émission. C'est assez facile à trouver, vous tapez bibliothèque associative de Malakoff avec un K et deux F à la fin et vous tombez tout de suite dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Société industrielle, présentée par Radio Zinzine.